Et si lors des journées portes ouvertes de cette Scola Nova, à la mi-mai 2017, que j'ai découvert un cercle bruxellois, le troisième annoncé plus haut, sur lequel je voulais attirer votre attention. Un radiologue, Guy Licop, son fondateur et président, en est un éminent représentant. Dès 1980, avec son épouse Françoise de Rette, il traduisit en latin la version italienne de deux revues, 6 numéros par an, créées à destination d'un public jeune et en plusieurs langues par l'italien Don Piggini, édité et distribué dans le monde entier, dont 30 pays européens, par la société Eli. Ce sont Adolescents, adolescents, et Youwenis, jeune homme ou jeune femme. Youwenis a cessé de paraître en 2013, mais Adolescents existe toujours, traduit en latin par ce couple. À l'intention d'un public adulte, Guy Licop, en 1984, a créé la revue Melissa, qu'il dirige et édite toujours, à raison de 6 numéros par an. Et la 200e est déjà parue en octobre. Chaque fascicule de 16 pages aborde les sujets les plus variés, d'hier et d'aujourd'hui. Littérature, science, art, politique, etc. Melissa est entièrement rédigée en latin par Guy Licop lui-même et son épouse, rédactrice en chef, et quantité d'autres spécialistes européens, allemands, belges, bulgares, français, espagnols, italiens, russes, anglais, etc. Dans l'Antiquité romaine, Melissa était le nom de la nef qui avait trouvé le moyen de récolter le miel. Ce terme latin, comme tant d'autres, est emprunté au grec où Melissa signifie l'abeille. Patientes et laborieuses, les abeilles belges que sont Guy Licop et Françoise de Rette ont ainsi butiné dans toute l'Europe pour réaliser leur, notre et bientôt votre miel. C'est un des moyens, et non des moindres, par lequel depuis 1976, Guy Licop a passé tous ses loisirs à faire du latin la langue de l'Europe, et plus encore depuis 2002, lorsqu'il cessa son activité médicale. Et c'est de ces Melissa et des deux messages qu'il m'avait envoyés que j'ai tiré la majeure partie des idées contenues dans ma présente argumentation.